إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui provient de nous-mêmes et contre celui qui provient de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses chers compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah عز وجل et la meilleure des voies et des guidées à suivre est la voie de محمد صلى الله عليه وسلم. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation et toute innovation mène à l'égarement. Ayol Ahbab, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Je vous salue par la salutation universelle, la salutation de Ahlil Islam, la salutation des fils de Adam alayhi salat wa salam, la salutation des gens du paradis Ahlul Jannah wa tahiyyatuhum fiha salam. Et je remercie Allah tabaraka wa ta'ala Al-Kabir, Al-Muta'al, celui par la permission duquel il nous a rassemblés et réunis, et ainsi il nous permet d'exécuter son ordre et sa recommandation, Jalla wa Ala, dans le fait de se réunir et de se rassembler dans son adoration, Jalla wa Ala, et de s'entraider et de se conseiller les uns les autres dans le fait de s'ordonner le convenable et de s'interdire le blâmable. Dans la pratique de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la prière en commun, dans le fait de ramasser des fonds et des richesses pour les projets dans les sentiers d'Allah jalla wa ala. Et ainsi, soyons bi'idhnillah jalla wa ala dignes du verset d'Allah dans le livre d'Allah al-Qur'an, où est-ce qu'Allah nous dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle vers le bien, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable, et tels sont ceux qui réussiront. Lorsque nous voyons bi'idhnillah jalla wa ala qu'un projet dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala tend à se concrétiser, qu'Allah jalla wa ala facilite à sa communauté et que les frères sont soudés et réunis et unis dans la même cause, et pour la même raison, et pour le même objectif, qui n'est autre que de satisfaire à Allah Jalla wa Ala, qui n'est autre que l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et la récompense et le paradis d'Allah Jalla wa Ala, nous nous annonçons la bonne nouvelle. Bi'idhnillahi Azza wa Jal, cette bonne nouvelle que nous a annoncée Allah dans son livre sacré, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Certes, après la difficulté vient la facilité. Certes, après la difficulté vient une facilité. Et Allah nous dit, Jalla wa Ala également, وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Toutes les annonces et les bonnes nouvelles de la part d'Allah Azza wa Jal concernant la facilité qui arrive après la difficulté, c'est des annonces que nous nous devons et par lesquels nous devons de nous exhorter et de nous encourager et de nous inciter dans le bien al-khayr. Car quelle que soit notre situation, lorsqu'elle est difficile et lorsque nous sommes dans l'affliction et dans le tourment et dans la difficulté, quelle que soit la longueur de cette difficulté, viendra la facilité. Quelle que soit l'affliction, viendra le soulagement. Et comme le dit le poète, quelle que soit la longueur de la nuit, viendra un moment où se lèvera l'aube. Et quelle que soit la longueur de ta vie, viendra un moment où tu te retrouveras dans ta tombe. Donc Allah, Jalla wa Ala, il fait passer le temps, s'écoulent les jours, s'enchaînent les mois, les jours et les nuits, et les heures et les minutes, mais c'est en fonction de ce que tu œuvres et de ce que tu fais que tu seras jugé le jour de la résurrection. Et tels sont les jours que nous alternons pour les gens, mauvais et bon, facile et difficile. Et c'est ainsi que l'homme se doit de patienter quant aux épreuves qu'Allah lui donne, et qu'Allah Jalla wa Ala verra alors qui sera le véridique, qui sera le menteur. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et nous vous éprouvons par le bien et le mal à titre de tentation et d'épreuve, et vers nous se fera votre retour. Ayol Ahbab, le projet d'une maison d'Allah Jalla wa Ala est un des meilleurs des projets qui peut être concrétisé par la communauté d'Al-Islam. Toute personne qui participe à ce projet espère, bi'idhnillahi azza wa jal, qu'Allah l'élèvera en degré le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, qu'il lui fasse miséricorde dans la vie de ce bas monde ad-dunya, qu'il lui ouvre ses portes de sa miséricorde, qu'il lui facilite dans sa vie, dans la pratique de sa religion, dans sa famille. Car c'est le projet de la communauté, car c'est le projet du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fui Mecca et qu'il est arrivé dans la ville d'Al-Madinah. C'est la première chose qu'il a fait, alayhi salat wa salam. Le premier grand projet, ça a été de choisir l'endroit de la maison d'Allah, de la mosquée, de cet endroit dans lequel ils allaient adorer Allah, prier pour Allah, enseigner la religion d'Allah, s'entraider et se conseiller les uns les autres. Donc c'est un projet immense, ayol ahbab. Et autour de ce projet, il y a des actions et des œuvres. Il y a des actions et des œuvres. Et Allah Jalla wa Ala nous regarde. Parmi les actions, la dépense. La dépense fi sabilillah pour aider à ce projet et le concrétiser. Et Allah te regarde. Plus tu essayeras, plus tu tenteras, plus tu placeras ta confiance en Allah, plus tu espéreras auprès d'Allah Jalla wa Ala, plus tu auras la certitude en Allah que cet argent te reviendra soit en subsistance, soit en bien, soit en facilité, soit en récompense dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhira, plus Allah Jalla wa Ala te considérera alors. Et c'est une épreuve pour nous tous, hein, concernant la dépense fi sabilillah. Vous connaissez tous le verset d'Allah Azza wa Jal, ha antum ha'ula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Vous êtes appelés, hein, à dépenser dans le sentier d'Allah. Faminkum man yabkhal. Mais il y a parmi vous qui se montre avare, qui ne veut pas donner, qui refuse. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Mais celui qui se montre avare, en réalité, il ne se montre avare qu'envers son âme. Il n'est pas avare envers le projet, ni envers la mosquée, ni envers l'association, ni envers le manque qui se trouve dans les besoins que nécessite ce projet, mais il est avare envers son âme. وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى. Car Allah, il n'a pas besoin de personne. Allah, il a besoin de personne. Allah, il n'a pas besoin de vous, ni de votre argent, en réalité. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Mais c'est vous qui avez besoin d'Allah. C'est vous qui avez besoin de ses aumônes. C'est vous qui avez besoin de ses œuvres. C'est vous qui avez besoin de ses actions. C'est vous qui avez besoin, et quand je dis vous ici, c'est tous les gens, tous les musulmans ont besoin de ces occasions qui leur permettront de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Et si vous tournez le dos, Allah vous remplacera par une autre création, par d'autres personnes, par d'autres gens qui eux ne seront pas comme vous, qui eux ne se montreront pas avares, qui eux seront à la hauteur de ce projet. Donc bifadlillah azza wa jal, ce projet a ses hommes. Ce n'est pas eux qui manquent. Mais lorsque te vient l'occasion de dépenser fi sabilillah, à toi d'être à la hauteur, afin qu'Allah ne te remplace pas par d'autres personnes, afin que tu ne rates pas cette occasion pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Telle est une action autour de ce projet. Et vous allez, bi'idhnillah Azza wa Jal, pendant la concrétisation de ce projet, pendant la construction, pendant les travaux, pendant, justement, entendre parler et assister et participer à ce genre de quête et vous concurrencer, bi'idhnillah, dans cette action. Il y a également une autre action, ayol ahbab, une autre action qui rentre en jeu dans la maison d'Allah Jalla wa Ala. Et cette action, elle est à prendre en compte avant et pendant. Et c'est une des actions sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté lorsqu'il est arrivé à Médine. Et cette action, c'est la concrétisation de la fraternité al-ukhuwa entre les musulmans et les musulmanes, entre les fidèles de cette communauté al-ummah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premières choses qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est qu'il ait renforcé les liens de fraternité entre al-muhajirin ou al-ansar. Imaginez-vous la situation, ayol ahbab. Il est parti de Mecca, mais il n'est pas parti seul. Il est parti avec ses compagnons. Il est parti avec ceux qui sont rentrés dans l'islam, qui l'ont soutenu, qui ont vécu avec lui durant la période mécoise qui était à Mecca. Et ces gens-là sont partis, ont fait le hijra. Et on les appelle, et Allah les a appelés, al-muhajirun. Donc ils sont partis, ils ont tout délaissé. Leur demeure, leur commerce, leur argent, certains leur famille, pour préserver leur religion ad-din. Et ils ont suivi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains sont partis avant lui, pour arriver dans un environnement, al-Madinah, qui était différent, et pour rencontrer des hommes qui eux avaient déjà cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient déjà des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a appelé al-Ansar. Et ces compagnons, eux, avaient leur maison, et avaient leur famille, et avaient leur commerce. Donc, deux groupes de musulmans allaient se rencontrer, et allaient devoir apprendre à vivre ensemble, et allaient devoir se rapprocher pour se retrouver dans ce même environnement, l'environnement prophétique, pour se retrouver dans la même mosquée, la mosquée de Muhammad alayhi salat wa salam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, et lorsqu'il a ainsi rassemblé bayn al-muhajirin wa al-ansar, ils se sont rassemblés dans une maison où est-ce qu'il y avait 45 parmi al-muhajirin et 45 parmi al-ansar, et il a renforcé les liens de fraternité. Il a désigné pour chaque muhajiri un ansari qui allait s'occuper de lui, qui allait voir, quelquefois même partager ses biens avec lui, et ainsi, afin que ces liens se renforcent. Et c'est comme cela qu'ils ont avancé. C'est lorsqu'ils ont concrétisé leurs liens de fraternité. Et c'est comme cela que nous allons avancer, bi'idhnillahi azza wa jal. Lorsque nous allons concrétiser les liens de fraternité. C'est lorsque nous allons être unis, ayol ikhwa, qu'Allah jalla wa ala va nous donner la victoire, va nous faciliter. Et c'est lorsque nous nous divisons et nous nous disputons et nous nous critiquons les uns les autres et nous soupçonnons les uns sur les autres et nous complotons les uns contre les autres, qu'Allah jalla wa ala enlève al-barakah du groupe et que le shaytan ainsi profite de cette occasion pour diviser, pour séparer et ainsi pour affaiblir. Notre force disparaît alors, et le but pour lequel la mosquée est créée, pour lequel la maison d'Allah est élevée, et bien disparaît alors. Et Allah al-Musta'an, quant à tout ce qu'il se passe dans les mosquées de nos jours concernant les problèmes et les fitaines ma'al asaf, et tout cela est dû à la négligence de cet ordre qui n'est autre que al-ukhuwa. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe et il nous dit innama al-mu'minuna ikhwa. Et tout le monde connaît ce verset, innama al-mu'minuna ikhwa. Qala al-mufassirun fi hadhihi al-ayah, et les interprètes du Coran nous disent concernant ce verset, innama al-mu'minuna ikhwa, ay mal mu'minun illa ikhwa. Mal mu'minuna illa ikhwa. Les croyants ne peuvent être que des frères. Pas autre chose. Il n'a pas dit innama al-mu'minuna ashab, ahbab, la ikhwa. La relation la plus proche que tu peux avoir avec un homme, c'est d'être son frère. Et il a dit que tu ne peux être croyant qu'en étant frère avec ton frère croyant. Tu ne peux être croyant. Les croyants ne peuvent être que des frères. Ainsi, s'ils ne se sont pas des frères, leur croyance n'est pas complète. Leur croyance n'est pas totale. C'est pour cela qu'il dit, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, que vous connaissez également, hein, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi » L'homme, l'un d'entre vous ne croira pas, c'est-à-dire que sa croyance ne sera pas complète et totale, que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc à ce moment-là, ayol ahbab, si nous voulons concrétiser cette foi et cette croyance, et si nous voulons qu'Allah jalla wa ala fasse descendre sur nous ar-rahamat, les miséricordes, ou al-barakat, du ciel à sama, et qu'il fasse que l'atmosphère de la maison d'Allah soit de la meilleure façon, soit le meilleur, pour apprendre notre religion, pour nous concentrer dans notre prière, pour apprendre la science religieuse, pour revenir vers Allah, tabaraka wa ta'ala, il incombe d'accorder de l'importance à cet ordre. Ce n'est pas en construisant les plus belles des mosquées, et en embellissant les murs, et en ayant la plus grande des superficies, et en ramenant le plus grand nombre de fidèles parmi les musulmans et les musulmanes, qu'Allah jalla wa ala fera descendre forcément sa baraka. Mais sa baraka et son aide et son soutien ne descendra que lorsqu'on concrétisera cet ordre très important qui n'est autre qu'al-ukhuwa. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit, voilà, il nous dit tabaraka wa ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Wala tanaza'u, ne vous disputez pas, ne vous divisez pas, qu'il n'y ait pas de problème entre vous. Wala tanaza'u fatafshalu, vous allez vous affaiblir à cause de ça. Fatafshalu wa tadhhab rihukum, et votre force partira. Wasbiru inna Allah ma'as sabirin, mais patientez car Allah est avec les endurants et les patients. Et il dit jalla wa ala, ya ayyuha alladhina amanu udhkuru ni'mat, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et accrochez-vous à la corde solide d'Allah tous ensemble et ne vous séparez pas. Wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Ici Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle le bienfait qu'il nous a accordé lorsqu'il a voulu Jalla wa Ala que l'on soit des frères. Il nous dit وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, et rappelez-vous du bienfait qu'Allah vous a accordé. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, lorsque vous étiez des ennemis, Allah a rapproché vos cœurs. فأصبحتم بنعمتي, et vous êtes devenus par sa grâce إخوان, des frères. Puis il rappelle le bienfait qu'il nous a accordé lorsqu'il nous a sauvés de l'enfer par la guidée al-hidayah, par la guidée à la religion de l'islam. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, et vous étiez au bord de l'abîme de l'enfer. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, il vous en a sauvé. Les savants nous disent, remarquez ici qu'Allah a parlé du bienfait d'al-ukhuwa avant le bienfait d'al-hidayah. Et cela pour nous montrer l'importance d'al-ukhuwa, et que par une des causes, la fraternité est une des causes qui te permettra d'être sauvé de l'enfer al-nar. Et malheureusement, beaucoup de gens de nos jours, les musulmans al-muslimoun, vivent, comme on dit, de façon égoïste. Le musulman, malheureusement de nos jours, il vit, travaille, il va à la mosquée, il prie, passe très rarement le salam à ses frères, il rentre chez lui, il retrouve sa famille, point barre. Et cela est triste. La personne se doit de faire en sorte qu'elle ait un moment dans la maison d'Allah, qu'elle ait un moment avec ses frères pour Allah Azza wa Jal. Car c'est cet entourage et c'est cette fréquentation qui va être profitable, non pas uniquement pour toute la communauté, mais en premier lieu pour lui-même. Car la fréquentation est très importante dans la religion d'Allah Jalla wa Ala. Et lorsque tu as des frères en Allah qui t'aident dans la religion d'Allah Jalla wa Ala, qui t'entraident, qui te conseillent, qui sont là pour te tenir la main, et te la prendre lorsque tu t'affaiblis, qui sont là pour demander de tes nouvelles lorsque tu t'absentes, qui sont là pour te rendre visite lorsque tu tombes malade, eh bien je peux te dire que ça fait du bien lorsque ta foi devient basse. Et tu as besoin de cela. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-mu'min da'ifun bi nafsi, qawiyun bi akhi. Le croyant, il est faible avec son âme. Il est faible. Lorsqu'il est seul avec son âme, il est faible. Quelle que soit sa science, quel que soit son degré de piété, quel que soit ce qu'il sait de la religion d'Allah, Jalla wa Ala, ceci est une information générale ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mu'min da'ifun bi nafsi. Mais, quand est-ce qu'il devient fort? Bi akhi. Qawiyun bi akhi. Même le plus grand des savants, qui connaît le plus vis-à-vis d'Allah et Azza wa Jal, ne pourra pas renier cette vérité. Qawiyun bi akhi. Donc tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ton frère. Et donc à ce moment-là, il incombe que tu crées une relation de fraternité avec tes frères musulmans qui t'entourent. Et cette relation de fraternité, elle naît par un sentiment qui se trouve dans ton cœur et qui justifie ta croyance, qui n'est autre que al-mahabbatu fillah, l'amour pour Allah et Azza wa Jalla. Et wallah, ce sentiment, ayyuhal ahbab, si les non-musulmans le connaissaient, ils seraient jaloux de nous concernant ce sentiment. Ce sentiment d'aimer pour Allah, qui ne se trouve pas chez les non-musulmans, mais al-asaf. Pourquoi? Car ils ne connaissent pas cela. Avez-vous déjà vu des non-musulmans s'aimer d'une telle façon comme nous on s'aime pour Allah Azza wa Jal? L'amour pour Allah, ayyuhal ahbab, c'est ce qui va nourrir ta relation de fraternité avec tes frères. C'est quand tu vas les aimer pour Allah que tu vas te comporter comme un frère. Et ici, très important, tu te dois de les aimer pour Allah. Donc, ton frère, tu l'aimes pour Allah, Jalla wa Ala. Tu ne l'aimes pas pour un intérêt de ce moment d'ad-dunya. Comme malheureusement c'est le cas de nos jours. Il y a des frères qui s'aiment uniquement parce qu'ils travaillent ensemble, parce qu'ils apprennent ensemble. Il y a un frère, il aime l'autre frère parce qu'il a besoin de son argent. L'autre parce qu'il lui rend service dans sa maison. L'autre parce que il est connu, hein, et donc il va l'aimer pour Allah uniquement parce qu'il a de la célébrité ou de la réputation chez les musulmans al-muslimoun. Nous disons non. Lorsque tu aimes ton frère, tu aimes ton frère pour Allah Jalla wa Ala. Tu aimes ton frère parce que c'est un musulman, parce qu'il croit en Allah, parce qu'il adhère à la religion d'Allah, parce qu'il aime également lui le messager d'Allah, parce qu'il récite le livre d'Allah comme toi. Tu l'aimes pour cela. Tu l'aimes parce qu'il a le même objectif. Il espère la récompense d'Allah et le paradis d'Allah. Et il a peur du châtiment d'Allah et de la colère d'Allah. Et tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que tu l'aimes. Et cet amour d'Allah va nourrir cette fraternité al-ukhuwa. Mais malheureusement de nos jours, les musulmans ne se sont pas aimés pour Allah véritablement. Et cet amour, lorsqu'il n'est pas sincère et lorsqu'il n'est pas voué à Allah Jalla wa Ala, eh bien il est éphémère. Et il disparaît. Et apparaissent alors les problèmes, et les tentations, et les troubles, et les fitaines, et les disputes, hein, et la division entre les musulmans al-muslimoun. Ayyou l'ikhwatul kiram, l'imam al-Bukhari nous rapporte dans son recueil authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit thalathatun, trois situations. Si l'individu se trouve dans l'une d'entre elles, il goûtera aux délices de la foi al-iman. Et qui ne veut pas goûter au délice de la foi al-iman? Et le délice de la foi al-iman, ce goût que la foi a, lorsque tu le ressens, lorsque tu le perds, tu ne penses qu'à le retrouver. Vous voyez la sensation que l'on a lorsqu'on passe quelques moments durant Ramadan dont on se rappelle, des moments qui nous ont fait plaisir, des moments de ibad, des moments lors desquels on adorait Allah et on aimerait tant revivre ces moments, des moments de ukhuwa, des moments durant la prière de Tarawih, durant des du'as, durant le tahajjud, durant l'i'tikaf, des moments durant le discours d'Al-Jumu'ah, voyez, des moments précis auxquels tu t'en rappelles et tu te dis Subhanallah, si seulement je pouvais revivre ces moments. C'est un aperçu de halawatul iman. Halawatul iman, c'est le délice et le goût que la foi a lorsque tu y goutes. Parce qu'on a la foi, bifadlillah. Mais il y a une différence entre avoir la foi et goûter au goût de la foi al-iman. Parce que lorsque tu y goûtes, tu ne peux plus t'en passer. Et c'est à ce moment-là que tu voudras revenir à ce niveau et ressentir cette foi. Et ainsi revenir dans les adorations et l'ibadat. Et revenir dans ces moments d'adoration et de rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça que le serviteur doit vers lequel il doit tendre. Et il doit aller. Il doit aller jusqu'à se délecter et apprécier l'adoration d'Allah. C'est ça le goût du délice de la foi. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, hein, il dit, « Hubbiba ilayya min dunyakum, de votre bas monde m'a été aimé trois choses. At-tib wa an-nisa, le parfum, les femmes, et le fait de me retrouver en prière devant Allah Jalla wa Ala. » La prière, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un plaisir. C'était un soulagement. Lorsque il appelait Bilal, radiyallahu anhu, afin qu'il appelle à la prière, il lui disait, « Arihna biha ya Bilal, arihna biha, soulage-nous avec elle. » C'est-à-dire, annonce la prière pour qu'on se soulage. Non pas pour qu'on se soulage d'elle, comme malheureusement le cas de certains musulmans de nos jours, mais pour qu'on ressente le soulagement et le repos et la sérénité pendant cette prière. Pour qu'on trouve le délice et le goût de cette foi pendant cette prière. On revient au hadith. Où est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, trois situations. Si l'individu se trouve dans l'une d'entre elles, il goûtera au délice de la foi, al-iman. La première, qu'Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, soient plus aimés auprès de l'individu que toute autre chose. Lorsque tu aimes Allah et son messager, sallallahu alayhi wassalam, plus que tout. La deuxième, que l'homme, que le musulman aime l'individu et qu'il ne l'aime que pour Allah. Que le musulman aime l'individu, mais qu'il ne l'aime que pour Allah. Et la troisième, qu'il déteste retourner dans la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu an-nar. Donc lorsque tu vas aimer un homme pour Allah, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe qu'à ce moment-là tu vas ressentir le délice de la foi al-iman. Et ainsi tu vas alors apprécier être dans cette situation et ta foi va augmenter. Al-Imam al-Bukhari ou al-Imam Muslim nous rapportent également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté les sept catégories de personnes qui seront soulagées le jour de la résurrection lorsque l'humanité entière sera plongée dans une affliction et un tourment terrible. Vous savez certes que le jour de la résurrection, Allah Jalla wa Ala fera rapprocher un soleil de la tête des créatures lorsqu'ils seront debout en attendant le jugement al-Hisab sur la terre du rassemblement, Ardul Mahshar, et Allah fera rapprocher un soleil de leur tête, et ce soleil se rapprochera de leur tête d'une distance d'un mile, comme il l'a dit, alayhi salatu wassalam, un peu plus d'un kilomètre. Imaginez-vous un soleil à un peu plus d'un kilomètre de la tête des gens. Ils seront plongés alors dans la chaleur et dans les tourments, et dans la sueur et dans la transpiration, et ils seront plongés dans un tourment terrible, et ils souffriront, comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wasallam dans le long hadith de Shafa'a, de l'intercession. Et à ce moment-là, ayyuhal ahbab, Allah Jalla wa Ala va accorder son bienfait et sa faveur de protéger certains de cette chaleur et de ce soleil terrible. Il va accorder à cette catégorie de personnes la permission de pouvoir s'abriter et s'ombrager sous l'ombre d'Allah. Mais qu'est-ce que cette ombre? C'est l'ombre du trône d'Allah Jalla wa Ala. Le jour où il n'y aura aucune ombre, excepté la sienne. Il dit, alayhi salatu wassalam, sab'atun, sept catégories de personnes, Allah les abritera dans son ombre, c'est-à-dire l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et il énonça les sept catégories. Et parmi elles, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulan tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Et deux hommes, ils se sont aimés pour Allah. Ils se sont rassemblés, s'aimant pour Allah, et ils se sont séparés, s'aimant pour Allah. Donc regardez ici le bienfait de l'amour pour Allah Jalla wa Ala. Il suffit d'aimer ton frère pour Allah. Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cet énorme bienfait d'être protégé le jour de la résurrection des tourments et des afflictions. Et wallahi, nous n'imaginons pas l'importance de cela et la grandeur de cela. Mais wallah, le jour de la résurrection, lorsque tu verras les gens transpirer et souffrir, car comme il l'a dit alayhi salatu wa salam, certains leur sueur atteindra leur cheville, transpirant jusqu'à ce que la sueur monte, hein, et atteigne la cheville des gens. Et certains leur sueur atteindra leurs genoux, et certains leur sueur atteindra leur taille, et certains leur sueur atteindra leurs oreilles, et certains seront immergés dans leur sueur, wal'iyadu billah. Tellement ils transpireront, tellement ils auront chaud. Alors à ce moment-là, je peux te dire que t'aimerais bien te protéger sous l'ombre du trône d'Allah et Jalla wa Ala. Aime ton frère pour Allah. Allah t'accordera ce bienfait et cette faveur. Et l'amour pour Allah, ayol ahbab, a d'énormes fruits dans la vie de ce bas monde, ad-dunya, et dans l'au-delà, al-akhira. Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, il nous dit: j'ai entendu certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, قال الله تعالى, Allah a dit, وجبت محبتي للمتحبين في, mon amour est obligatoire pour ceux qui m'aiment pour moi. C'est Allah qui parle, Jalla wa Ala, dans un hadith Qudsi. Il dit, mon amour est obligatoire pour ceux qui m'aiment pour moi. C'est énorme. Allah Jalla wa Ala aime celui qui aime pour Allah. Aime deux hommes qui s'aiment pour Allah Jalla wa Ala. Et la parole de l'ange, lorsque celui-ci s'adresse à l'homme qui va partir visiter son frère pour Allah, cet ange-là s'adresse à lui et lui dit, je suis un envoyé d'Allah à toi pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu l'as aimé pour lui. Pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu l'as aimé pour lui. Et plus encore, le plus aimé auprès d'Allah, ce sera celui qui aura le plus aimé son frère, entre les deux. Deux hommes qui s'aiment pour Allah, celui qui aime plus l'autre que l'autre ne l'aime, eh bien c'est lui le plus aimé auprès d'Allah. Selon Abi Darda, radiallahu anhu, celui-ci a dit, marfou'an, il n'y a pas deux hommes qui ne s'aiment pour Allah sans qu'Allah n'aime plus celui qui aime plus son compagnon. L'amour pour Allah, il a été oublié de nos jours chez les musulmans, al-muslimoun. Et c'est un honneur de la part d'Allah. Lorsque tu aimes pour Allah, Allah, il t'honore. Et l'honneur d'Allah, c'est énorme. Selon Abi Umamah al-Bahili, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, il n'y a pas un serviteur qui a aimé un serviteur pour Allah sans qu'Allah ne l'honore. Et Allah, lorsqu'il t'honore, il t'élève en degré, il t'accorde la foi, al-iman, al-ilm al-nafi', la science utile, les bonnes œuvres, il te permet de te repentir, il te soutient, il t'aide, il te protège, etc. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, certes Allah dira le jour de la résurrection, où sont ceux qui s'aimaient pour ma dignité? Où sont ceux qui s'aimaient pour ma dignité? Car aujourd'hui je vais les abriter sous mon ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la mienne. Donc lorsqu'on regarde les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que l'amour pour Allah a été évoqué un grand nombre de fois. Mais malheureusement, il n'est pas évoqué dans nos langues. On l'entend rarement. Un frère dira à son frère, « Inni uhibbuka fillah. »« Ya akhi, inni wallahi uhibbuka fillah. » Un mari dira à sa femme, « Inni uhibbuki fillah. » Un père dira à ses enfants, même si cet amour est naturel, mais le fait de le rappeler, de l'annoncer, de le dire, cela est encore plus énorme. Et ça renforce encore les liens. Il dit, alayhi salatu wassalam, et les hadiths sont nombreux, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, celui qui veut goûter aux délices de la foi, qu'il n'aime l'individu que pour Allah. Qu'il n'aime l'individu que pour Allah. Et l'amour pour Allah, ayol ahbab, c'est une cause également de l'entrée au paradis, al-jannah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, vous n'entrerez pas au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous montre une action qui, grâce à cette action, vous vous aimerez les uns les autres? Adressez-vous le salam les uns aux autres. ولا تؤمنوا حتى تتحابوا. Et il incitait, alayhi salatu wassalam, ses compagnons et les musulmans après eux, quant à s'aimer les uns les autres, lorsqu'il disait par exemple, tahadu, tahabu, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Tous ces hadiths, ayol ahbab, c'est pour inciter les musulmans à s'aimer pour Allah, jalla wa ala. Et l'amour pour Allah, tu espères la récompense d'Allah, jalla wa ala, pour cela. Et sans que tu t'en rendes compte, grâce à cet amour pour Allah, les liens de fraternité se renforcent. Et lorsque les liens de fraternité se renforce la communauté, al-umma. Et elle avance. Et elle avance. Car de nos jours, malheureusement, al-ahbab, de nos jours, la communauté n'avance pas. Ou elle avance, mais à petits pas. Elle avance doucement. Mais elle n'avance pas à la vitesse de la communauté des compagnons as-sahab. Hein? De la société des compagnons as-sahab. Car eux, ils avaient concrétisé cette ukhuwa. Alors à nous, ayol ahbab, de faire abstraction de notre âme et de ce que désire cette âme comme mauvaise chose lorsqu'elle va regarder les défauts de son frère, lorsqu'elle va être jalouse, lorsqu'elle va vouloir avoir ce qu'a son frère, lorsqu'elle va dévoiler son frère, critiquer son frère, comploter contre son frère, livrer son frère à autrui, lorsqu'elle va vouloir se venger, wal'iyadu billah, lorsqu'elle va vouloir se moquer. Tous ces comportements, ayol ahbab, il faut les mettre de côté, afin qu'on s'aime pour Allah. Et on met ces comportements de côté pour Allah, jalla wa ala. Et ainsi, afin que la communauté soit forte et qu'elle puisse avancer et ainsi progresser vers Allah, jalla wa ala. Et wallahi, ayol ahbab, il n'y a d'ambiance et d'atmosphère dans une mosquée et dans une maison d'Allah que lorsque l'amour d'Allah est présent. Et la fraternité, al-ukhuwa. Donc vous qui êtes à l'amont de ce projet, vous qui êtes au début de ce projet qui est la maison d'Allah jalla wa ala, sachez que lorsque vous aurez terminé, on va dire, tout le côté logistique et physique et extérieur, vous commencez. C'est le début. Certaines personnes pensent que c'est la fin lorsqu'il a terminé la construction, les travaux, lorsqu'il a rassemblé l'argent, lorsqu'il a mis les murs, il a mis la moquette, ils ont tout fait. À ce moment-là, ils ont dit c'est bon, alhamdoulilah, c'est terminé. Non, on te dit c'est là où ça commence. Lorsqu'une mosquée sans fraternité, et une mosquée sans amour, et une mosquée sans baraka, et une mosquée sans rahmah de la part d'Allah Azza wa Jal, bien que les maisons d'Allah Jalla wa Ala sont remplies de bénédictions et remplies de miséricorde par le rappel d'Allah et la récitation du livre d'Allah et la présence des anges al-malaïka, mais nous ne voulons pas que les musulmans al-muslimoun soient malheureusement exempts de cette miséricorde et de cette baraka lorsque justement ils ne s'aimeront pas pour Allah. Parmi les plus grands objectifs de la prière en commun, c'est l'ukhuwa. Allah Jalla wa Ala a légiféré la prière en commun pour que les musulmans apprennent à se connaître. Et je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous vous êtes connus les uns les autres uniquement grâce à la mosquée. Grâce à la maison d'Allah, Jalla wa Ala. Il est très rare de rencontrer nos frères autres que dans la maison d'Allah. Et la plupart d'entre nous, nous nous connaissons et nous nous sommes connus à travers une prière en commun, une conférence, un discours du vendredi. Donc c'est grâce à cette législation qui est la prière en commun, qui est célébrée dans la maison d'Allah. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'Allah ne nous a pas dit prier dans vos maisons ? Pourquoi est-ce qu'Allah a rendu préférable, recommandé, et dans certaines écoles juridiques obligatoires, la prière en commun ? C'est pour rassembler les musulmans al-muslimoun. C'est pour que les musulmans soient des frères. C'est pour que les musulmans apprennent à se connaître et demandent à propos de leurs frères, et ainsi que les musulmans soient soudés et unis. C'est pour que lorsque tu ne vois plus ton frère à la mosquée depuis 3 jours ou 1 semaine, tu demandes de ses nouvelles. Et lorsque tu l'appelles et qu'il te dit que ça va pas, que la foi a baissé, tu lui rends visite. Et à ce moment-là, ça lui fait du bien. Et il se confie à toi. Et tu lui dis, « Ya akhi fillah, bi'idhnillahi azza wa jal, reviens vers Allah, augmente ta foi, reviens à la maison d'Allah, tu vas voir, ça va te faire bien, du bien, tu vas écouter le Coran, tu vas écouter la récitation d'Allah, Jalla wa Ala, tu vas prier avec tes frères, ça va te faire du bien. Et à ce moment-là, le frère reprend conscience. Pourquoi ? Comme on l'a vu la règle. Al-mu'min da'ifun bi nafsi, qawiyun bi akhi. Qawiyun bi akhi. Et je termine cette conférence, ayyuhal ahbab, avec le fait que, pour éviter malheureusement tous ces problèmes qu'ont rencontrés les mosquées durant ces dernières années, malheureusement souvent, lorsqu'on parle des maisons d'Allah, on dit, vous savez, les fitnes qu'il y a dans les mosquées, de nos jours, ma'al asaf, voilà, il y a des fitnes entre les personnes âgées et les jeunes, entre les frères entre eux, dans le nationalisme, entre les gens qui se rapportent à une nationalité, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, etc. Nous disons, ayol ahbab, le musulman, il est aimé et il est considéré par sa piété. Par sa piété. Uniquement. Il n'y a que ça qui élève le musulman. La piété et la science. Et la science n'est considérée que par la piété également. Parce que de nos jours, malheureusement, beaucoup de gens apparaissent et prétendent avoir une apparence soit de piété, soit de science, soit de sunna. Tu vois le frère, mashallah, avec une longue barbe, avec un qamis, avec le siwak. Lui, devant les gens, c'est le pieux. Et tu vois le frère qui ne laisse pas pousser sa barbe et qui est en chemise et en pantalon pince parce qu'il revient du travail, ou bien parce que c'est son habit habituel. Lui, chez les gens, c'est miskin, celui qui n'a pas appris et qui n'est pas pieux. Qui t'a dit que celui-là, il ne passe pas sa nuit en prière? Qui t'a dit que celui-là, il n'a pas dépensé des milliers d'euros au fi sabilillah? Qui t'a dit que celui-là, il ne connaît pas le Coran par cœur? Et qui t'a dit que l'autre n'est pas parmi les plus pervers chez lui lorsqu'il se retrouve tout seul dans sa chambre? Donc la balance d'Allah Jalla wa Ala, c'est la balance de la piété à taqwa. Allah nous dit, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ô vous les gens, nous vous avons créé, hommes et femmes, et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous appreniez à vous connaître. Inna akramakum indallah atqakum. Les gens les plus nobles, les gens qui sont élevés, qui sont considérés par Allah, ce sont les plus pieux. C'est eux. Il n'a pas dit ceux qui ont la plus belle des apparences. Il n'a pas dit ceux qui parlent avec le hadith. Non. Pourquoi je dis cela? Ils vont me dire, mais pourquoi ils parlent de ça? C'est bien de parler avec le hadith. On dit bien sûr, mais malheureusement, il y a des fitaines de nos jours, elles sont catastrophiques. Il y a des gens, ils te disent, oui, le prophète alayhi sallam, il a dit, le hadith est sahih, le Bukhari, etc. Mais malheureusement, il est, wallah, certainement plus loin que beaucoup de gens qui ne parlent pas. Et de nos jours, beaucoup de gens parlent. Et nous, on ne veut pas de parole, on veut l'amel. Yaqul ibn al-Mu'taz, rahimahullah, il dit, ilmu al-munafiq fi lisanih, wa ilmu al-mu'min fi amalih. La science de l'hypocrite, elle est au niveau de sa langue. Et la science du croyant, elle est dans ses actions. Tu reconnais le savant par ses actions. Et tu reconnais l'ignorant par sa langue. Lui, il parle. Wa akhi taqillah, wa akhi Allah musta'an, wa les vieux, wa etc. Lui, il parle. Lui. Par contre, l'alim, il est sage. Et il parle en fonction de ce qu'il connaît. Et il est silencieux. Et il sait patienter. Et il a l'hikma, etc. Et comme le disent certains prédécesseurs concernant les savants, ils disent al ulama ul amilun idha ta'allamu amilu wa idha amilu shughilu wa idha shughilu fuqidu wa idha fuqidu tulibu wa idha tulibu harabu. Les savants, lorsqu'ils apprennent, ils font leurs œuvres, ils agissent. Tu apprends que la prière surrogatoire c'est bien, le savant il prie, il applique ce qu'il a appris. Tu apprends qu'il faut jeûner, il jeûne. Tu apprends qu'il faut apprendre la science religieuse, il apprend. Et il applique sa science, il apprend le Coran, il récite, il se lève pour Al-Fajr. Il pratique, il transforme ce qu'il a appris en action. Il ta'allamu amilu, ils agissent. Wa idha amilu shughilu. Et lorsqu'ils agissent, ils sont occupés. C'est pour ça que les savants, ils donnent très peu de leur temps. وَإِذَا شُغِلُوا فُقِدُوا. On ne les voit plus. Ils sont occupés, ils sont chez eux, ils sont dans leurs actions, ils agissent. Donc on ne les voit plus. فُقِدُوا وَإِذَا فُقِدُوا طُلِبُوا. On demande alors à leur sujet, où est un tel ? J'aimerais bien le voir. Je lui demande, وَإِذَا طُلِبُوا هَرَبُوا. Et lorsque tu veux le voir, lorsque tu demandes, il s'enfuit. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas perdre son temps, parce qu'il est occupé par ses œuvres. C'est ça le savant. L'ignorant, c'est le contraire. L'ignorant, il est là pour parler. Alors là, lui, il est là. Et il te parle, il te conseille, il montre sa science qu'il pense avoir. Non. La balance, ayol ikhwa, c'est taqwa. C'est l'amal. C'est ça. Lorsque la personne a de la piété, elle craint Allah, jalla wa ala, sa piété se reflète par ses actions, par son comportement, par sa situation. Donc, au lieu de créer une hiérarchie, wal'iyadu billah, dans une maison, parmi les maisons d'Allah et dans les mosquées, comme malheureusement pensent faire beaucoup de jeunes parmi les jeunes dans les mosquées, hein, ils ont mis la classe des personnes âgées, eux c'est les ignorants. Je comprends pas là que c'est les ignorants. Ils ont passé déjà plus d'années que toi dans l'islam. Ça se trouve, ils connaissent plus de Coran que toi, toi qui connais même pas Juz'am. Qui t'a dit que c'était des ignorants? Ils ont peut-être rencontré plus de savants que toi dans leur vie. Donc eux, ils les ont déjà placés dans cette place. On dit non, ça c'est une erreur totale. On n'est pas en train de juger. Allah ne nous a pas demandé de juger. Mais tu te comportes avec ton frère en l'aimant pour Allah. Et lorsque tu vois un défaut chez ton frère, tu le conseilles, si tu as de la science, et tu le défends, et tu caches son défaut. Et tu veux, ta niya, c'est qu'il s'améliore, c'est qu'il revienne. Naam. Il y a une femme qui attend son mari, Al-Azizi, à l'extérieur. Donc, Inch'Allah, pour que cette femme ne patiente pas trop à l'extérieur, le mari, Inch'Allah, le frère en question, qu'il réponde, Inch'Allah, à son appel. Donc, la personne, elle doit se comporter avec ses frères de la même façon. Et respecter celle qui a de la science et celle qui a une expérience dans la religion d'Allah et Jalla wa Ala. Et le jeune doit respecter le vieux. Et ceci est très important, yul ahbab. De nos jours, les jeunes n'ont rien compris au comportement du musulman al-muslim. La personne âgée, chez les musulmans, elle a un sha'n, elle a un rang. On doit la respecter. Et malheureusement, de nos jours, c'est l'axe, wal'iyad billah. Ils n'ont rien compris, nos jeunes, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas appris. Mais la personne âgée, subhanallah, même chez nous, même dans notre pays d'origine, même dans notre culture, c'est comme ça. La personne âgée, elle est respectée. Yani, qu'est-ce qu'ils ont ramené, yani, ces jeunes-là de nos jours? Peut-être que c'est la mentalité des quartiers et des cités qui a ramené le fait que le vieux... C'est pas comme ça dans notre culture, l'Ikhwa. C'est pas comme ça dans notre éducation. La personne âgée, on la respecte. Et même quand elle se trompe, yani, avant de parler, on réfléchit pour ne pas la blesser, pour ne pas la vexer, pour ne pas qu'elle... C'est normal, lorsque tu viens, tu vas lui dire « Oui, c'est pas comme ça », il va te dire « Attends, c'est normal, il a 40 ans de plus que toi. » Forcément, il va se dire « Mais si toi, un petit de 2 ans, il vient te dire « Oui, c'est pas comme ça qu'il faut prier », tu vas lui dire quoi ?» Forcément, tu vas ressentir quelque chose de « D'accord, mais j'ai pas ton âge. » Donc toi, à toi de savoir la bonne façon de le conseiller. Si tu as la science pour, et si tu as la manière pour. Mais si tu n'as pas tout ça, tais-toi et va voir quelqu'un qui lui pourra le faire. Donc tout ça est à prendre en compte, ayol ahbab. Et je considère que ce sujet de cette conférence est important concernant les frères de cette mosquée, parce que prendre en considération al-ukhuwa et l'amour pour Allah jalla wa ala est à prendre en considération avant même de commencer à vivre dans un mujtama muslim. Et c'est très important. Très important pour vacciner tout, hein, pour vacciner tous les frères contre les virus de l'hostilité, de la haine, de la jalousie qui pourrait malheureusement arriver ou qui est déjà arrivé malheureusement dans le cœur de beaucoup de musulmans. La personne, elle respecte son frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de hadiths il a donné sur les comportements des frères envers les frères? La tabaradu, wa la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tadabaru. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne complotez pas les uns contre les autres. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Mais soyez des serviteurs d'Allah, frères. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur miséricorde les uns les autres, dans leur bonté, c'est l'exemple d'un seul corps. Lorsque un membre de ce corps se plaint, tout le reste du corps vient en aide par la veillée et la fièvre. C'est-à-dire que lorsque le corps humain se plaint d'un organe qui est malade, eh bien tu vas ressentir de la fièvre et tu ne vas pas réussir à dormir. Alors peut-être que c'est à cause de ton estomac uniquement, ou à cause de ton intestin uniquement, ou à cause d'un de tes poumons, ou à cause d'un de tes reins, ou à cause d'un de tes muscles, ou à bien à cause d'une blessure. Tu vas avoir mal, mais tout le corps réagit, car il est uni, car c'est un seul corps. Et bien de même pour les croyants al-mu'minoun, lorsqu'un frère a un problème, lorsqu'une sœur est dans l'affliction ou dans l'épreuve, tout le monde réagit, tout le monde se consolide, tout le monde se conseille, tout le monde s'entraide. Et lorsque tu vois ton frère dans l'impasse ou dans la difficulté, tu te dois de ressentir cette difficulté dans ton cœur. La ressentir comme si tu la vivais toi-même. Donc, ayo l'ikhwatul kiram, c'était des conseils pour, inshallah, s'entraider concernant cela. Et la personne doit accorder énormément d'importance à cela, jusqu'à faire abstraction de ce qu'elle voudrait peut-être, hein, lorsqu'elle est assidue, par exemple, à suivre la sunna, ou vouloir que sa mosquée soit la meilleure des mosquées concernant le suivi de la sunna. Ya Abdallah, tu ne peux pas avoir tout du jour au lendemain. Tu vas vouloir peut-être que des sunnas apparaissent, ou tu vas peut-être vouloir enlever quelques innovations qui se trouvent chez tes frères, et malheureusement tu vas créer plus de mal que de bien. Donc avant de te précipiter, d'interdire, d'élever ta voix, de te tromper dans la façon d'agir, réfléchis à deux fois à la fitna qui peut être engendré à cause de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le meilleur des exemples lorsque le bédouin est entré dans sa mosquée alors qu'il était avec ses compagnons et qu'il a uriné dans un des quatre coins, dans un des coins de la mosquée. Yani, les compagnons sahaba, ils étaient révoltés. Ils lui ont ordonné d'arrêter. Ils ont voulu l'empêcher de continuer. Mais alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu loin. Là, on ne parle même pas d'une sunna. Là, on parle d'une shay muharram, d'une chose interdite, d'une chose grave, de mettre des impuretés dans une mosquée. Et quelle mosquée? Une mosquée sacrée, la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il a vu loin. Il a passé cet interdit, il l'a mis de côté pour le conseil, pour cet homme, pour sa guidée, pour sa compréhension, pour ne pas le faire fuir. Et qu'est-ce qu'il a dit en premier à ses compagnons? Il leur a dit, laissez-le terminer. Imaginez-vous, vous dans une mosquée, quelqu'un rentre, miskin, il vient de se convertir, il est ignorant, et il urine parce qu'il a une envie dans le coin de la mosquée. Comment va la situation dans la mosquée? Vous voyez, là c'est pas notre mosquée, c'est la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a les compagnons as-sahaba, il y a la quwwatul islam, mais malgré ça, il a dit laissez-le terminer, et il l'a conseillé et il lui a dit certes, les maisons d'Allah sont des demeures dans lesquelles qui sont spécialisées, yani qui sont pour la récitation du livre d'Allah et l'adoration d'Allah et la prière à Salah. Et qu'est-ce qu'il a dit ce bédouin lorsqu'il a vu la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam envers lui, et lorsqu'il a constaté le mauvais comportement en apparence et la mauvaise réaction des compagnons sahaba? Il a dit, oh Allah, fais miséricorde à moi et à Muhammad et à plus personne après lui. Vous voyez donc? Et il a compris le message. Et il a accepté. C'est comme ça qu'on veut qu'il y ait des comportements dans la mosquée, yol ikhwa. C'est des comportements de rahma. Même si on est là, oui, mais la sunna, il faut qu'elle soit là. Il y a des gens, quelquefois, c'est les rangs. Et ils veulent absolument que les rangs ils soient parfaits. Et bien sûr, c'est une sunna. D'accord, taïd. Tu poses ton pied. Tu le colles au pied d'une personne âgée à côté de toi. Cette personne âgée, elle ne connaît pas la sunna. Elle enlève son pied. Elle veut être tranquille, comme elle prétend, elle. Tu vas lui faire quoi? Yanni, la personne elle doit être. Yanni, toi t'es en prière. C'était au saf. Sallou. Iqam. Ça y est, khlas. Tu vas rentrer en dispute avant la prière. Yanni, la concentration elle rejoue. La concentration elle rejoue. Elle n'est pas. Elle ne passe pas avant cette sunna. Elle rejoue. C'est l'âme de la prière. C'est la lumière de la prière. Toi, tu vas t'énerver sur cette personne âgée, ou bien, quand je dis personne âgée, hein, peut-être non, peut-être un jeune qui malheureusement ne connaît pas aussi cette sunna, tu vas t'énerver contre lui, puis tu rentres en prière. Et là, toutes les raka'at, c'est subhanallah, Allah musta'an, c'est toujours la même chose, l'imam il devrait en parler, et voilà, ton asr il est parti dans ça. Na, là, tu te fais du mal même à toi-même. Prépare-toi à ça, dis-toi que dans la mosquée, les gens ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas la même science. Ils n'ont pas la même ancienneté dans la religion ad-din. Et on veut tous progresser ensemble. Il y a des gens, la même chose, c'est pour les Vous savez, dans les mosquées, il y a des piliers. Et le rang, il est préférable qu'il ne soit pas coupé. Souvent, il y a des problèmes aussi. Non, on avance, on recule. Mais il y en a, non, il reste tout seul. C'est toujours la même chose. C'est pas grave. Tu vas pas. La sunna n'est pas faite une fois. C'est pas une moussiba. Nous, on veut que, Inch'Allah, dans quelques mois, dans quelques années, eh bien, plus au fur et à mesure, on se rapproche, Inch'Allah, de la sunna. Mais c'est pas à chaque prière un combat. Pour que la prière elle soit intacte, nickel, que les rangs ils soient comme ça, que tout le monde soit collé. Non. Bien évidemment, c'est comme cela qu'on aimerait. Mais la communauté, elle doit avancer progressivement. Et chaque personne doit faire un effort. Chaque frère doit faire un effort. Ça, c'est une obligation. Tout le monde doit faire un effort. Tout le monde doit prendre sur soi. Tout le monde doit être sage. Et la sagesse, vous savez que c'est une qualité énorme. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui qui reçoit la sagesse, il a reçu un énorme bien de la part d'Allah et Jalla wa'ala. Donc, bismillah azza wa jalla, on s'entraide et on prend cette leçon pour y aller de préparation, inshallah, quant à la prière en commun, quant à la vie entre frères, bismillah azza wa jalla. Et plus l'homme respectera son frère, plus le frère respectera son prochain, celui qui prie à côté de lui, plus, inshallah, bismillah azza wa jalla, Allah il mettra cet amour, cette miséricorde entre nous et il fera qu'on sera unis. Et qu'on progressera dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum wa shakar Allah hudurakum. Et je vous appelle, Inch'Allah, à, comme le frère Nadar Abou Anas Hafidallah vous a incité, je vous incite également à vous, dans les prochains jours et dans la continuité, de participer à ce projet de la mosquée d'Allah, de la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui? Depuis le Maghreb. Depuis quand vous avez commencé? Le Maghreb. Subhanallah. Après l'Aïcha, donc là, pendant une demi-heure, donc on est arrivé à 80 000 euros. Allah. Takbir. Allah. Allah. Allah. Subhanallah. Moi, j'ai pas la même capacité que mon frère Nader à inciter. Ce que je vous dis, les frères, c'est que, comme on l'a dit, la dépenser fi sabilillah, celui qui en profite le plus, c'est celui qui dépense. C'est lui qui gagne. D'accord? Il ne perd rien du tout. Même son argent, il n'est pas perdu. Hein? Il ne perd rien du tout, mais il est le plus grand gagnant. Et c'est ce dont on a besoin. Lorsque tu entends un projet, quand tu rentres dans une mosquée, tu entends, ah, il y a une quête, au lieu de dire, oh là là, on va me demander, on va me... Hein? Au contraire, alhamdoulilah, qu'est-ce que je peux faire? J'ai ramené combien? Qu'est-ce que je peux ramener? Dans 2 jours, dans 3 jours. Pourquoi? Parce que Yom al-Qiyamah, bah, tu vas penser qu'à ça. J'ai donné combien en aumône? Oh, si j'avais donné plus ce jour-là. Oh, si seulement j'avais donné, si seulement. Subhanallah, j'ai fait quoi avec cet argent? Je l'ai perdu là. Yom al-Qiyamah, ça va être que des soucis. Alors, prépare ton jour de la résurrection. Prépare ton au-delà. Donne. Et place ta confiance en Allah. Tu penses qu'Allah il va te délaisser? Tu penses qu'Allah il va te rendre pauvre? Tu vas mourir de faim ou quoi que ce soit parce que tu l'as donné pour une mosquée? Impossible. Hein? Et rappelez-vous de la parole de Hajar. Lorsqu'elle s'est retrouvée seule, sans plus aucune cause de survie, mais lorsqu'elle a vu que son mari Ibrahim, hein, partait pour appeler à Allah, donc partait dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, et lorsque tu donnes pour l'obéissance à Allah, elle a dit, Iden, dans ce cas-là, si on est dans l'obéissance, لَيُضَيُّعُنَا. Il ne nous abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'Allah a abandonné Hajar? Elle lui a accordé Ismaïl et Zamzam. Et parmi les descendants d'Ismaïl, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc c'est à nous, ayol ikhwa, de placer notre confiance à Allah. Si tu fais confiance en Allah. Et montre-lui, dis-lui, ya Rab, je donne pour Allah 1000 euros. Quelle que soit ta situation. Et mashallah, on a entendu des situations agibles. La personne est en difficulté financière, elle dépense. La personne, elle dépense, elle donne pour un malade, pour un mort, etc. Tu donnes cet argent et tu t'adresses à Allah. Tu dis, ya Rab, j'ai confiance en toi. Tu as promis dans le Coran et dans ta religion, que tu n'abandonnes personne, et que tu enrichis, et que tu donnes. Classe. Et à ce moment-là, vous pensez que Allah va t'abandonner? Moussa alayhi salatu wa salam, il a abandonné lorsqu'il s'est trouvé devant la mer? Hein? Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ses compagnons, ils ont dit, ya Moussa, inna la mudrakoum. Classe, on est rejoint. Il y a Fir'aoun derrière, il y a la mer devant, tu veux qu'on fasse quoi? Qala kalla. La confiance en Allah. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Quand il a eu confiance, Allah, il lui a dit, frappe avec ton bâton, la mer s'est ouverte. Donc fais confiance en Allah et Allah il va t'ouvrir les portes de sa miséricorde. Et tous tes soucis vont être résolus, bi'idnillahi azzawajal. Donc nous disons que ces occasions-là, c'est des occasions pour trouver des solutions à nos problèmes, bi'idnillahi azzawajal. As'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl, fayattabi'una ahsana, wa an yarzuqana al-ikhlas wa al-sawab fi al-qawl wa al-amal, innahu waliyudhalika wa mawlah, wa usalli wa sallim ala habibi qulubina, wa qurrati a'yunina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin.